À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, Choi Il-min, a accordé le 15 décembre l'interview au correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il a dit notamment « Les Sud-Coréens gardent très fond du cœur le portrait souriant du général Kim Jong-il qui a animé toute la Corée du Sud de l'étincelle de réunification. Grâce à sa volonté invariable pour la réunification et à sa grande décision patriotique et audacieuse, les rencontres au sommet Sud-Nord ont eu lieu pour adopter la déclaration commune du 15 juin et la déclaration du 4 octobre et ouvrir une nouvelle époque de la réunification indépendante sous l'idéal entre nous les Coréens. Les exploits du général Kim Jong-il, qui a conduit justement le mouvement de la réunification nationale avec ses idées et leadership éminents, brilleront à jamais à travers l'histoire nationale prospère. Aujourd'hui, le maréchal Kim Jong-un est à la tête de la cause de réunification et avec la conviction que la réunification de la patrie sera réalisée à coup sûr grâce à lui, je livrerai plus vigoureusement la lutte pour la réalisation de la cause de la réunification.